Le crew est ancré solidement. Le crew est ancré solidement. Le crew est ancré solidement. Le crew est ancré solidement. Le crew est ancré solidement. Déposer les armes année après année, c'est forcé de retirer le coup planté qui nous rend marteau, l'état nous rend malade, à nous gaver de leur salade. Saison salée pendant que d'autres se sucent. Mais fais gaffe mec, parce que maintenant la police recrute et les soignés rechutent. Trop de profit, trop mal au derrière, c'est la première passe, mais c'est pas la dernière. Derrière toi se passe des choses pas claires. Relève-toi et éclaire, approche-toi et éclate. Accroche-toi et épate, invente-toi et exploite. Fais gaffe aux coups de droite, ne parlons pas d'extrême, sinon je les emplate. À rester comme des empathés, les gens sont empathiques, vivent dans un sens imposé par des vieux pourris qui promettent des prouesses et à force ça nous vexe. On dégaine de nos textes, oser mais pas imposer. Corser bien, n'énerver, c'est énergétique, on se nourrit de la rue. Fait tourner la machine des mots, on ressuscite nos causes et on t'explique ce qu'on pense. On prend un beat, on se venge parce que la vie nous mange. Alors on poursuit, on dérange, dénonce, sourcils froncés, courir, foncer, sauter, couler, douleur dans tes lueurs. Vu comment on voit les choses, aveuglés, apeurés, écœurés, ça se voit essoufflé parce que tout le monde souffre. Alors compte pas sur les jeunes pour souffrir. On nous a oubliés, on nous a tous trahis. Quelque part perdu, on cherche un échappatoire pour trouver une fin ostentatoire. Et tout porte à croire que trop porte atteinte à ces soi-disant droits de l'homme, des bavures de sale môme.